si tu ne rentres pas, le jardin des Tuileries ne refleurira pas. J'oublierai Notre-Dame si tu ne reviens pas, ses tours et puis son âme. Si tu restes là-bas, je tuerai les oiseaux, je tuerai les amants et tout ce qui est beau et qui sent le printemps. Je chargerai la Seine de 100 bateaux moins qui portent ma peine dans le creux de tes mains. Et si demain dimanche tu n'es toujours pas là, je garderai des branches, un morceau de lilas. Alors j'irai me pendre aux portes de Paris, seulement pour t'apprendre, on meurt d'amour.